Chapitre 6. Quel événement dans Camaret, ce retour de Jean-Marie Hervé Guivarc, 19 ans qu'on le croyait mort, roulé par les vagues lointaines du Pacifique, la proie des poissons voraces, des requins, ses cercueils vivants. 19 ans que nul n'avait plus entendu parler de lui, et ses parents étaient morts, minés peu à peu par le désespoir, par la conviction affreuse de son horrible fin dans ce naufrage de la Proserpine. Et sa sœur Yvonne était devenue folle sous l'assaut répété de ses grosses douleurs, dangereuses comme des lames de fond. Puis, voilà que, tout à coup, au moment où personne ne songeait plus à lui, où son souvenir même s'effaçait peu à peu, émietté par l'usure du temps, ne revenant plus qu'à de rares intervalles, il surgissait, solide, enforci, vivant. « Garçon !» J'ai pensé à toi ce matin, à mon réveil, en entendant le suroît souffler et la mer gronder. Ce devait être un signe, remarqua Pierre Guivarc, les yeux pleins de larmes joyeuses, lorsque l'inconnu avait brusquement révélé son nom. Quand le groupe émergeant de la nuit arriva devant l'hôtel de la marine, le maître de port, poussant la porte et faisant passer Hervé le premier, cria à la patronne : Tante Rosalie, « Regarde-le bien, cet homme-là !» Un instant, la doyenne du pays resta hésitante, très émue, la lèvre tremblante. Puis, après l'avoir dévisagée sous la lumière tombante de la petite lampe accrochée au plafond, ses mains battant l'air, elle s'exclama. « Sainte Vierge ! On dirait défunt ton frère Thomas ! Est-ce que les morts ?» Elle se rapprocha, remarqua les émotions qui l'entouraient, devina tout et ajouta les bras ouverts pour une maternelle étreinte. « C'est toi, mon fils !» Malgré sa rudesse, le naufragé se sentit touché. Il alla à elle. « C'est moi, tante Rosalie. » Chacun ensuite de se rapprocher du jeune homme, de scruter ses traits, de chercher à y retrouver une physionomie autrefois familière. « C'est toujours ses yeux ?» appuya Corentin. « Hein ?» Nous avons assez joué ensemble pour que je le reconnaisse, pas vrai ? D'autres s'en prenaient au nez, au front, aux mâchoires. Une fameuse barbe, objecta Balanec. Oh, pour ça, c'est plus un menton de demoiselle, comme du temps qu'il est parti pour son tour du monde, dit en riant ce farceur de Maradour. Des femmes s'extasiaient autour de lui, et des gens réclamaient le récit de ses aventures. Mais il fut très bref, donnant en gros la narration de ce qui lui était arrivé, ne s'attardant pas aux détails et affirmant que cela n'avait rien d'intéressant. Une opinion se forma derrière son dos, qu'il avait dû en voir de toutes les couleurs dans ces sacrés pays de là-bas où personne ne peut trop aller vérifier et qui sont pleins d'aventuriers. Il avoua n'être pas resté en Australie, avoir fait beaucoup de métiers, gardien de troupeaux, chercheur d'or, avoir voyagé dans l'Amérique du Sud. Il ne dit pas tout, opina tout bas Balanec en clignant narquoisement de l'œil. Mais la nuit avançait, les épanchements, les curiosités se calmaient, et la faim venait, impérieuse, on ne songea plus qu'à souper. Immédiatement, Pierre Guivarc réclama son neveu. Désormais, il lui appartenait, rentrait dans la famille. « Tante Rosalie, ce naufragé-là est pour moi !» Il l'emmena, tout remué de ce grand gaillard accroché à son bras, de cette vivante image de son frère qui lui revenait de si loin après tant d'années, pour ainsi dire d'au-delà de la tombe. L'impression qu'il en ressentait était fort étrange, un peu complexe, inexplicable pour son cerveau resté naïf malgré l'âge et encore facile aux pensées superstitieuses. Peut-être, s'il avait eu une intelligence plus développée, s'il avait possédé cette faculté d'analyse sur soi-même que finissent par acquérir certains êtres cultivés, eût-il cherché à établir quelques corrélations magnétiques entre son réveil vers la fin de la nuit, vers l'heure de la catastrophe, l'instantanéité avec laquelle son souvenir s'était alors porté sur ceux des siens qui n'étaient plus, et cette sorte de miracle du neveu tout à coup sauvé d'un nouveau naufrage, presque au port, à quelques milles de la patrie. Mais, tombant sur lui sans explication possible, le fait le troublait. Il ne se sentait pas très à l'aise, doutant encore de ce prodigieux événement voyant danser devant ses yeux la croix blanche du cimetière, la photographie surmontée d'un rameau de buis et marmonnant en lui-même les inoubliables mots « Péri en mer ». Était-ce bien un être réel qu'il avait là près de lui ? Au pays breton, on est défiant. Il y a de ces figures surnaturelles que l'on nomme des intersignes en cornouailles et qui prennent exactement la physionomie, les allures, le costume du parent défunt, tel qu'il est au moment de sa mort. À la dérobée, quand il passait devant la devanture éclairée d'un café, le vieillard examinait ce camarade, dont le mutisme ne contribuait pas peu à augmenter son trouble. N'eût-il pas mieux fait de le laisser chez tante Rosalie, d'attendre encore avant de se jeter ainsi à sa tête, de le reconnaître avec tant de précipitation ? Alors il se fût assuré, au grand jour. Les intersignes n'ont pas la réputation de se montrer longtemps de suite. Ils arrivent, passent, disent quelques mots, puis s'en vont, disparaissent. Et c'est la preuve palpable que celui dont ils ne sont que l'image fidèle vient de mourir. C'est comme l'annonce de sa mort. Un combat se livrait dans le cœur et l'âme du maître de port. Sous son bras, il trouvait bien réellement un bras de chair et d'eau, un bras solide dont le biceps herculéen bosselait la manche de la vareuse. Il poussa un soupir d'angoisse lorsqu'il pénétra chez lui. Qu'allait-il se passer ? Marianic était là, sur le seuil, déjà mise au courant de l'événement. Elle n'eut pas une hésitation, pas une crainte. Allant au jeune homme, elle lui tendit ses joues. « Ah, cousin Hervé, quelle joie pour nous !» Les lèvres du naufragé se posèrent sur la peau satinée de la jeune fille, et une lueur de plaisir éclaira ses traits sombres quand il dit « Marianic ». Jamais il n'eut reconnu dans cette belle et robuste fille la petite bambine qui jouait autrefois avec lui et avec Yvonne. Ses yeux se reposèrent sur elle avec une sensation de satisfaction et d'étonnement. Une exclamation jaillit malgré lui de son gosier contracté jusque-là. « Comme tu es jolie !»« Ah, dame, elle a poussé durant ton absence. La voilà tantôt sur ses 24 ans. » Peu à peu, à mesure qu'il le voyait mieux aux lumières, Pierre Guivarc secouait le frisson qui avait un moment traversé sa vieille chair bretonne. Il s'apprivoisait avec ce grand diable revenu de si loin, en le détaillant à l'aise, en constatant les changements opérés dans son visage tanné par les vents et les soleils de tous les pays, hâlé par les embruns de toutes les mers. Il était bien de la famille, lui aussi, avec sa carrure, sa tête petite, plantée dans de solides épaules, le nez en bec des Guivarc, leur œil bleu clair, lui aussi était oiseau de mer, mais avec quelque chose de moins épais, de moins empâté dans les allures. Seulement sa physionomie était aussi moins ouverte, moins franche, et la prunelle avait parfois de mauvais éclairs, comme des restes de tempête, une trace de la vie accidentée menée là-bas. Autour d'eux, Yvonne allait, venait, prenant parfois part à la conversation, l'air de comprendre, d'être au courant des choses, puis s'oubliant dans un commencement de chanson qui montait tout à coup du fond de sa gorge pour rouler, monotone et berceuse, à travers les causeries. Elle semblait avoir immédiatement pris en affection le nouveau venu, dont la présence ne paraissait pas la surprendre. Elle allait de temps en temps à lui, afin de lui conter mystérieusement quelque chose qui n'était qu'un composé de phrases décousues, sans suite, où il était surtout question du petit Jean-Marie Hervé, des mousses, de paroles entendues sur la grève ou dans la lande. « Tu sais, disait-elle, je cause beaucoup avec les coquillages, moi, et ils me répondent. Par eux, je sais tout ce qui se passe au fond de la mer. Tu ne le diras pas, jamais, jamais. Chut, tais-toi, tu as sa voix, mon petit frère a parlé. Il est dans un beau palais de coquilles où vont les poissons. Que c'est amusant, tu es drôle, drôle. Son rire reprenait, brisant le semblant d'enchaînement de la pensée. Et ce n'était plus que des phrases incohérentes, ou bien un récit fantastique, une belle légende sérieusement débitée, avec des « Crois-tu ? Tu m'écoutes au moins ?» Hervé, encore inhabitué, tressaillait à la secousse sur ses nerfs de cette convulsion de gaieté. Mais Marianic et son père étaient maintenant trop accoutumés au genre de folie de la pauvre petite pour y prêter attention. On la laissait errer à travers la maison sans même s'occuper d'elle. Ce fut d'elle enfin qu'il fut question entre les deux hommes, quand Yvonne, brisée de fatigue après cette rude journée, eut regagné son lit et se fut profondément endormie. Alors Pierre Guivarc raconta à son neveu les événements passés depuis son départ, depuis l'heure néfaste où l'on avait appris, en France, la perte de la Proserpine, corps et biens, la mort de son père et de sa mère, la folie de sa sœur. La tête dans ses mains, les coudes plantés dans le bois de la table, Hervé écouta sans dire un mot, sans faire une observation. À plusieurs reprises, des larmes vinrent emplir ses paupières, mais il les écrasa du poing, rageusement, murmurant « Le malheur, toujours le malheur. Ah, je n'en ai pas encore fini avec lui. »« Hein ? Que veux-tu dire ?» interrogea le maître de port. L'autre redressa sa face coléreuse. « Je veux dire que je revenais en France relativement riche, que je voulais aller à Paris, que je voulais jouir un peu de ce que je rapportais après tant d'années d'exil, et que ce damné naufrage m'a tout pris. Je n'ai pu sauver que les quelques milliers de francs enfermés dans ma ceinture. Le reste, une fortune, est là-bas, aux pierres noires, au fond de la mer, où j'aurais dû rester. Mon pauvre gars. Oui, sans Corentin, je ne revenais pas. Mais j'ai pensé aux vieux, à Yvonne. Alors la soif de les revoir, de les embrasser quand même. J'ai été lâche, lâche. Et voilà. Oh, je suis trop malheureux à la fin, c'est trop de misère. » Cette fois, des larmes, un torrent de larmes, et ce cri. « Des tombes, une folle, c'est fait pour moi. » « Allons, allons, » reprit Pierre, essayant de le calmer. « Tu peux encore te tirer d'affaire, tout n'est pas désespéré. Reste ici, puisque le sort t'y a rejeté. Tu achèteras un bateau, tu feras la pêche comme les camarades. Tu es jeune, fort. » « Ça peut aller. » Il ne disait toujours rien. Cependant, peu à peu, le calme sembla renaître en lui. Une sorte de sourire détendit ses lèvres. L'image de Marianic se dressa devant lui, séduisante, consolante, et quand son oncle l'eut conduit dans la chambre où il allait pouvoir reposer, il fit presque gaiement « Merci ». Quelque espérance lui rentrait au cœur, portée par cette jolie fille dont la silhouette se fixa dans son cerveau, pleine de charme, chassant les sombres idées, et il s'endormit en rêvant au bonheur enfin retrouvé dans son pays natal. L'arrivée au port, après une vie si terrible et si houleuse.